pour me faire mal, c'est vrai. Ou que j'aille quoi que je fasse, tu seras mon cœur à moi. Sans toi la vie n'a pas de sens. S'il te plaît, essaye de me croire. Je te le demande en douceur. Et beaucoup d'émotions. Le passé nous permet à ne plus commettre les mêmes erreurs. Ou que j'aille quoi que je fasse, tu seras mon cœur à moi. Sans toi la vie n'a pas de sens. S'il te plaît, essaye de me croire. Je te le demande en douceur. Et beaucoup d'émotions. Je te le demande en douceur. Et beaucoup d'émotions.